récitation du Coran, et le trajet et la marche vers les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et du fait que le temps soit trop court, et à cause de la distraction du cœur, nous n'avions pas cité lors de notre précédent prêche une œuvre ayant comme récompense les bienfaits et les délices de la tombe. Et ceci est la mort en veillant pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire mourir en montant la garde aux frontières d'un pays musulman. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Salman al-Farisi, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: montez la garde un jour et une nuit en vue d'Allah vaut mieux que jeûner un mois et passer ses nuits à prier. Si celui qui monte la garde meurt en cet état, ses bonnes œuvres ainsi que ses biens seront accrus jusqu'au jour de la résurrection et il sera préservé du tourment de la tombe. Ainsi, si ceux qui montent la garde aux frontières des pays musulmans étaient sincères envers Allah Azza wa Jal et avaient comme intention de veiller aux terres du monothéisme contre les ennemis d'Allah Azza wa Jal, alors ceux-ci obtiendraient certes ce bienfait d'Allah Jalla wa Ala. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, notre discours portera sur Asbab Azab al-Qabr, les causes du châtiment de la tombe. Car la tombe, mes chers frères et sœurs, constitue soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit une abîme parmi les abîmes de l'enfer. Et certes, Azab al-Qabr, le châtiment de la tombe, est prouvé par le Coran, par la Sunnah et par le consensus de tous les savants. Beaucoup de récits prouvent ceci de la part du livre d'Allah Azza wa Jal. Comme ce que nous dit Allah Jalla wa Ala dans Surat Ghafir, alors que le pire des châtiments cerna les gens de Pharaon. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Le point d'argumentation dans ces versets est qu'Allah Jalla wa Ala a cité les gens de Pharaon et a dit qu'ils étaient exposés au feu matin et soir, et ceci pendant le monde intermédiaire, al-Barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est pourquoi Allah nous dit: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et ceci sera lorsque leurs âmes retourneront dans leur corps. La seconde preuve se trouve dans Surat al-Sajda. Allah Jalla wa Ala nous dit: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et nous leur ferons certainement goûter au châtiment d'ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres rapportent que le châtiment d'ici-bas, الْعَذَابُ الْأَدْنَى, dans ce verset constitue le châtiment de la tombe. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également dans Surat Taha, Allah nous dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et la vie pleine de gêne a été interprétée par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il l'a expliqué comme étant le châtiment de la tombe, comme ont rapporté Abu Ya'la et l'imam Ibn Hibban dans un hadith jugé bon par Sheikh al-Albani, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous sur qui a été révélé ce verset? Savez-vous ce qu'est la vie pleine de gêne? Alors ils répondirent: Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète le savent mieux. Alors Al-Habib alayhi salatu wa sallam répondit: tel est le châtiment du mécréant dans sa tombe. Walladhi nafsi biyadih. Par celui qui détient mon âme, on lui commanditera 99 pitons. Savez-vous ce qu'est un piton? Alors les compagnons lui dirent: Wallahu wa rasuluhu a'lam. Seul Allah et son prophète le savent mieux. Alors il répondit: ce sont 99 serpents chacun d'eux possédera sept têtes. Ils le mordront, ils le déchiqueteront et l'entailleront jusqu'au jour du jugement. La quatrième preuve se trouve dans Sourate At-Tawbah. Lorsqu'Allah parla des hypocrites, Allah Jalla wa Ala nous dit: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. Et tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'obstiennent dans l'hypocrisie. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. Tu ne le connais pas, mais nous, nous les connaissons. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Nous les châtirons deux fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Al-Imam ibn Abbas, Al-Imam Suddi, Wal-Imam Thawri, rahimahumullah, nous disent: سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ. Nous les châtirons deux fois. Le premier châtiment se trouve dans cette vie. Et ceci car le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il fut informé à propos des hypocrites, alors qu'il faisait le prêche du vendredi, il commença à les appeler par leur nom. Et il leur dit: sors un tel, tu es parmi des hypocrites. Sors un tel, tu es parmi les hypocrites. Et ceci constitue ainsi le premier châtiment. Une grande honte devant tout le monde. Le fait de se faire expulser par le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant le serment du vendredi. Quant au second châtiment, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ. Nous les châtirons deux fois. Quant au second châtiment, ce second châtiment concerne le châtiment de la tombe. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Et ceci sera le jour du jugement. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans sourate Al-Waqi'ah, après avoir mentionné la sortie de l'âme: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Et qu'à ce moment-là vous le regardez: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre? تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Alors si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ. Alors il aura du repos et de la grâce, وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Et le jardin des délices. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Et s'il est du nombre des gens de la droite, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Il sera accueilli par ces mots: paix à toi de la part des gens de la droite. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection ou s'étaient égarés, فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ. Alors il sera installé dans une eau bouillante, وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Et il brûlera dans la fournaise. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. C'est cela la pleine certitude. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très Grand. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans sourate At-Takathur: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. La course aux richesses vous distrait. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ. Jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Mais non, vous saurez bientôt. Ali et Ibn Abbas radiallahu anhum nous disent: le premier avertissement, qu'Allah saoufa ta'lamoun, mais non, vous saurez bientôt, concerne le châtiment de la tombe. Qu'Allah saoufa ta'lamoun, thumma qu'Allah saoufa ta'lamoun. Et encore une fois, vous saurez bientôt, quant au second avertissement, concerne lui le jour du jugement. Et il existe d'autres preuves dans le Coran, mais nous nous contentons de ces versets, du fait que le temps soit trop court. أما السنة. Quant à la sunna, les preuves sont également très nombreuses concernant la justification et l'existence du châtiment de la tombe. Il y a ce que rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: une juive l'a rendue visite, puis elle lui parla du châtiment de la tombe et dit: qu'Allah te préserve, qu'Allah t'écarte du châtiment de la tombe. Et alors Aïcha dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez lui, je lui questionnais sur les châtiments de la tombe. Et il dit: Na'am, adabul qabri haqq. Oui, le châtiment de la tombe est réel. Na'am, adabul qabri haqq. Na'am, le châtiment de la tombe est réel. Et Aïcha, radiallahu anha, Nous dit alors le prophète alayhi salatu wassalam, n'accomplissez de prière sans qu'il ne demande à Allah de le préserver, de l'écarter du châtiment de la tombe. Et dans le hadith rapporté par l'imam At-Tabarani, dans son Mujma'ih al-Kabir, avec une chaîne de transmission Hassanum Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les morts se font châtier dans leur tombe, à un tel point que les animaux entendent leurs cris. Les morts se font châtier dans leur tombe, à un tel point que les bêtes entendent leurs cris. Allahu Akbar, à un tel point que les bêtes entendent leurs cris. Des informations réelles et des propos véridiques de la part du véridique. Alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, constituant l'existence du châtiment de la tombe. Les savants de Sunnah, Ahlu Sunnati wal Jama'a, ont été également unanimes sur le fait que le châtiment de la tombe soit réel. Al-Imam Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, nous dit, le châtiment de la tombe est réel et ne le renie qu'un égaré qui égare. Le châtiment de la tombe est réel et ne le renie qu'un égaré qui égare. Et ceci relate du monde de l'invisible, mes chers frères et sœurs. Et cette croyance rentre dans l'obligation de croire au jour dernier, comme nous l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et certes, celui qui a dit cette phrase est certes un égaré. Celui qui a dit la phrase suivante, qui a été dans la tombe pour voir et nous informer de cela? Qui a été dans la tombe pour voir et nous informer de cela? Ils disent cela afin de renier le châtiment de la tombe et afin de renier les délices de la tombe. Et celui qui dit cela et qui ne se repentit pas à Allah et Azza wa Jal et qui ne revient pas sur ce qu'il a dit est alors parmi les mécréants. Car celui qui a vu les châtiments de la tombe n'est autre que le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Adabul qabri haqq, le châtiment de la tombe est réel. Et les savants de Ahlu Sunnati wal Jama'a ont été unanimes sur le fait que le châtiment de la tombe soit réel. Et c'est quelque chose qui dépasse l'imagination de l'homme, quelque chose que ne peut atteindre la raison et l'esprit de l'homme. Et c'est une volonté et une action de la part d'Allah et Azza wa Jal. Le châtiment de la tombe, mes chers frères et sœurs, existe du fait de la colère d'Allah et Azza wa Jal contre son serviteur dans cette vie. Allah ne châtie pas une âme qu'il connaît et qu'il aime. Allah ne châtie pas une âme qui a effectué ses ordres et délaissé ses interdits. Il ne châtiera donc jamais le corps de cette âme. Mais Allah châtiera par contre un serviteur qui a encouru sa colère à cause de ses péchés et à cause du délaissement de ses ordres. Le châtiment de la tombe ainsi que celui de l'au-delà est donc la conséquence de la colère d'Allah envers le serviteur. S'il meurt dans cet état et ne se repentit pas, il encourra le châtiment dans sa tombe, qui sera proportionnel à la colère d'Allah sur lui. Et ainsi ce qu'a dit l'imam Ibn Qayyim dans son livre Ar-Ruh. Et ainsi le châtiment de la tombe est dû à l'existence et à l'accomplissement d'œuvres qui sont causes du châtiment de la tombe. Et nous prendrons ainsi cause par cause sur ce qui est venu des hadiths authentiques, afin que nous les connaissions, et afin que nous connaissions ces causes, et afin que nous nous en écartions, et afin que nous soyons avertis. Comme nous l'a dit le poète sage, j'ai connu le mal non pas pour l'aimer, mais pour s'en écarter, et celui qui ne distingue pas le mal du bien s'y trouvera plongé. Et le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Hudayfat ibn al-Yamani radiallahu anhu, celui-ci nous dit, les gens questionnaient le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien, mais moi je le questionnais sur le mal de peur d'y tomber. Ainsi, asbab wa adab al-qabr, les causes du châtiment de la tombe, ont été énoncées dans les hadiths authentiques. Et nous prendrons, bi-idhnillahi jalla wa ala aujourd'hui, le hadith de Samurat ibn Jundub radiallahu anhu. Celui qui fut rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre At-Ta'bir, le livre de la description, et dans son livre Al-Jana'iz, le livre des funérailles. Samura, radiallahu anhu, nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait la prière, nous venait et nous demandait si l'on avait vu un songe. Si quelqu'un parmi nous avait vu un songe, alors il le racontait. Mais un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint demander si l'un d'entre nous avait vu un songe. Et nous répondîmes que non. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit: quant à moi, j'ai vu cette nuit un songe. Deux hommes vinrent et me prirent par la main. Et ils m'emmenèrent ensuite vers la terre sainte. Et ceci était dans son sommeil, alayhi salatu wa salam. Et le songe des prophètes et des messagers est véridique. Il vit deux hommes qui le prirent par la main et l'emmenèrent vers la terre sainte. Puis Al-Habib alayhi salatu wa salam nous dit: je vis alors un homme debout et un autre homme assis, et dans la main de l'homme debout une pince de fer. Il la fit rentrer entre les deux lèvres à leur extrémité de l'homme assis et commença à lui déchirer la bouche jusqu'à arriver à sa nuque. Et alors je dis: Mahad, qu'est-ce que cela? Et il dit de plus alayhi salatu wa salam: à chaque fois que l'homme déchiquetait une partie de la bouche, l'autre partie se remettait en place. Et lorsque je voulus savoir qui était cet homme, les deux hommes me dirent: Intaliq, avance, poursuis ton chemin. Jusqu'à la fin du hadith, et nous nous arrêtons avec ce hadith ici car il est long et qu'il fait référence à plusieurs châtiments de la tombe. Et nous devrons donc nous arrêter à chacun de ces châtiments. Et ainsi jusqu'à ce qu'ils lui disent à propos de cet homme qui a été châtié: c'est l'homme menteur, celui qui ment et dont le mensonge atteint les horizons parmi les gens. Et ceci est ce qui l'attend et ce que l'on fera de lui le jour du jugement. Ainsi regarde, ayyuha al-habib, ô toi mon cher frère, ô toi ma chère sœur, Jibril wa Mikaïl, alayhima salawatullahi wa salamu, prirent la main du prophète alayhi salat wa salam dans son rêve et ils lui montrèrent les conditions de vie des gens dans le monde intermédiaire. Et la première chose qu'il vit, alayhi salatu wassalam, cet homme à qui on a envoyé un ange parmi les anges d'Allah afin de le faire souffrir. Et comment le fait-il souffrir? Il prend une pince de fer afin de lui déchirer l'extrémité de la bouche jusqu'à arriver à sa nuque. Puis cette partie revient comme elle était et il lui déchire ainsi l'autre extrémité et ainsi de suite. Et c'est jusqu'au jour du jugement. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, les questionna à propos de cet homme, ils lui répondirent: c'est l'homme menteur qui ment et dont le mensonge atteint les horizons. Et dans une autre version rapportée par l'imam al-Bukhari, dans son livre Tabir, le livre de la description, le prophète alayhi salatu wassalam dit de même: une partie de sa bouche se déchire jusqu'à atteindre la nuque, et son œil également se déchire jusqu'à atteindre la nuque, et ceci jusqu'au jour du jugement. Azabun shadid, un châtiment atroce avec des pinces de fer. Et la raison de ceci, l'homme menteur, c'est lui qui ment et dans le mensonge atteint les horizons parmi les gens. Al-Kadhib, le mensonge, est donc la première cause du châtiment de la tombe. Al-Kadhib, le mensonge, c'est lui qui est devenu quelque chose de banal chez beaucoup de gens. Le mensonge qui est devenu un moyen courant chez beaucoup de gens. C'est ce qui arrive le plus dans les discussions des gens. Dans les discussions des gens, beaucoup de personnes mentent. Et c'est comme si c'était une chose tout à fait normale. Ceci est pour eux devenu normal. Ils mentent et ne font pas attention à leurs mensonges. Et ceux-ci ont ignoré que le mensonge était une cause des souffrances de la tombe. Et c'est également une caractéristique des hypocrites trompeurs. Comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Idha haddatha kadab, lorsqu'il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf, et lorsqu'il promet une chose, il ne tient pas sa promesse. Wa idha tumina khan, et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet une chose, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Et dans la version de l'imam Abu Ya'la, qui est une version bonne, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: trois caractéristiques. Si elles appartiennent à une personne, celle-ci est hypocrite. Et même si elle priait et elle jeûnait et elle accomplissait al-hajj wa al-umra et elle se disait musulmane. Puis il dit: lorsqu'elle parle, elle ment. Et lorsqu'elle promet une chose, elle ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, elle trahit. Et cette version n'est pas celle de Abdallah ibn Amr que l'on trouve dans les deux recueils authentiques. الإمام البخاري والإمام مسلم غفر دو بلس سنو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit « Soyez véridiques, car ceci mène à la piété, et la piété mène au paradis. » Et l'homme ne finit pas de dire vrai jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et faites attention aux mensonges. Faites attention aux mensonges, car le mensonge mène au libertinage, et car le libertinage mène à l'enfer, et le serviteur ne finira pas de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Des gens mentent et continuent dans leurs mensonges, et ils n'accordent pas d'importance à leurs mensonges, mais ils ont ignoré qu'ils étaient inscrits chez Allah parmi les menteurs. Et dans le Mousnad de l'imam Ahmed, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la foi du serviteur ne sera pas complète sans qu'il ne délaisse le mensonge, la plaisanterie et les polémiques, et même en ayant raison. La foi du serviteur ne sera pas complète sans qu'il ne délaisse le mensonge, la plaisanterie et les polémiques, et ce même s'il a raison. Et Aïchatou radiallahu anha nous dit, il n'y avait pas quelque chose de plus détestable auprès du prophète alayhi salatu wassalam que le comportement du menteur. Et il ne sut quelqu'un l'avoir fait qu'aussitôt il ne cessa de l'aimer jusqu'à ce que celui-ci se repente. Al-Kadhib, le mensonge, mes chers frères et sœurs. Le mensonge ne se divise pas en deux parties comme le divisent les gens de nos jours. Les gens de nos jours divisent le mensonge en deux parties, le petit mensonge et le grand mensonge, un mensonge blanc et un mensonge noir, mais le mensonge est totalement noir. Le mensonge est totalement noir. Le mensonge noircit les pages des bonnes œuvres auprès d'Allah et Azza wa Jal. Le mensonge noircit la tombe. Le mensonge noircit le visage. Le mensonge noircit le cœur. Et ainsi que la situation le jour du jugement. Le mensonge est totalement noir. Et il n'y a pas de blanc et de noir. Beaucoup de gens, lorsqu'ils mentent et lorsque tu le lui reproches, ils te répondent que c'est un mensonge blanc. D'où as-tu ramené cette répartition? D'où as-tu ramené cela? Et parmi les gens, il y en a qui racontent des blagues mensongères, des histoires qui sont fausses afin de faire rire les gens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde celui qui fait cet acte, et il a mis en garde celui qui parle avec les gens en mentant afin de les faire rire, comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam al-Tirmidhi. Selon Bahz ibn Hakim radiallahu anhu, selon son père, selon son grand-père, un hadith jugé bon, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: malheur à l'homme qui parle aux gens en mentant afin de les faire rire, malheur à lui, malheur à lui. Malheur à l'homme qui parle aux gens en mentant afin de les faire rire, malheur à lui, malheur à lui. Ainsi à ceux qui montent dans les scènes de spectacle, à ceux qui se présentent dans les scènes de spectacle devant les gens, à ceux qui sont vus à la télévision en train de faire des sketchs en faisant rire aux gens avec le mensonge. Voici ce dont vous a promis le prophète alayhi salatu wassalam. Voici ce dont il vous met en garde. Celui qui fait rire aux gens en mentant a été mis en garde par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à trois reprises. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Et ce que nous sommes en train de raconter est certes peut-être entendu par des personnes qui se disent: même rigoler, nous n'avons pas le droit. Nous voulons faire entrer le sourire chez les gens et ceci est notre travail. Ne dites-vous pas que le travail est une adoration? Bah, subhanallah, tu n'as trouvé que ce travail? Serais-tu satisfait si tu étais inscrit auprès d'Allah parmi les menteurs? Vraiment, c'est étonnant. Wallahi shay'un ajib. Mais celui qui parle aux gens en leur faisant rire par quelque chose de vrai, alors il n'y a pas de souci à cela. Ainsi, ceci est la finalité du mensonge. Et l'islam, mes chers frères et sœurs, a de même interdit de mentir aux petits-enfants. Car beaucoup de mères et beaucoup de pères mentent à leurs fils et à leurs filles. Ils lui promettent quelque chose en échange d'une action, alors qu'ils ne comptent pas tenir leurs promesses, afin d'obtenir son obéissance, et afin d'obtenir le fait que l'enfant soit obéissant. Et cela est interdit par l'islam. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission bonne, selon Abdullah ibn Amir radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: un jour ma mère m'appela et me dit: viens, je vais te donner quelque chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam était assis dans notre maison. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la mère de Abdallah, que vas-tu lui donner? Que vas-tu lui donner? Et alors elle lui dit, je l'ai appelé pour lui donner une date. Et alors le Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam lui dit, si tu ne lui avais rien donné, il te serait écrit un mensonge. Al-Kadib, les mensonges. On ment à nos enfants afin d'acquérir leur obéissance. Et l'enfant apprend donc le mensonge de qui? De son père et de sa mère. Et cela va même, mes chers frères et sœurs, à ce que le père ordonne à l'enfant de mentir. Le téléphone sonne, ou bien on sonne à la porte, et alors le père ne veut pas parler à la personne. Et alors il dit à son fils, dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Et le mensonge devient alors quelque chose de banal chez l'enfant. Et il apprend donc ce mauvais comportement de la part de qui? De la part de son père et de sa mère. Mes chers frères et sœurs, il existe de même une catégorie de personnes qui, lorsqu'elles mentent, atteignent le sommet de la population, soit du fait de leur place dans la société, ou soit du fait des moyens de communication qui lui sont à leur portée. Quant à la première catégorie, si elles mentent, ce mensonge atteint les horizons plus que d'autres personnes, et ce sont ceux qui ont une place convoitée dans la société, et parmi eux les hauts représentants et les gouverneurs. Cela, s'ils mentent, leur mensonge est porté loin jusqu'à atteindre les horizons parmi les gens. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wasalam les a mis en garde, comme nous le rapporte l'imam muslim. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois individus, Allah ne leur parlera pas le jour du jugement, Allah ne les bénira pas, Allah ne les regardera pas, et ils auront en outre des tourments douloureux. Un vieillard fornicateur, un roi menteur, et un pauvre plein d'orgueil. Trois individus. Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection, ne les bénira pas, ne les regardera pas, et ils auront en outre des tourments douloureux, le vieillard fornicateur, le roi menteur, et un pauvre plein d'orgueil. Le vieillard fornicateur et le roi menteur. Ils parlent au peuple et leur ment en leur promettant d'améliorer leurs conditions de vie, en leur promettant de changer leur pays en un pays puissant, mais il leur ment afin que son public trahi l'applaudisse et afin qu'on l'élise. Celui-ci, son châtiment dans sa tombe sera atroce. Cet homme qui a menti, ce mensonge lui fait déchirer ses joues avec une pince de fer. Car Jibril ou Mikaïl ont dit au prophète alayhi salatu wasalam à propos de ce qu'il a vu, c'est l'homme qui ment et dont le mensonge atteint les horizons parmi les gens. Et celui-ci, lorsqu'il ment, et que ce mensonge atteint les nobles et les modestes parmi les gens, tout cela grâce à sa place dans sa société. La seconde catégorie, si elle ment, son mensonge atteint les horizons parmi les gens, et cela sans ulama ussu, les savants du mal, wal'iyad billah, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui mentent à propos d'Allah et Azza wa Jal, et ceux qui mentent à propos du messager d'Allah et alayhi salatu wa salam. Et dans quel but? Dans le but de satisfaire les rois. Ils mentent sur qui? Sur Allah et Azza wa Jal. Jalla jalalu. Et Allah nous dit, wa yawm al-qiyamah, tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswaddah, alaysa fi jahannam mathwan lil-mutakabbirin. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Ils mentent sur Allah. Et il ment sur son prophète alayhi salatu wasalam. Et cela volontairement. Et vous savez que celui qui ment à propos du prophète alayhi salatu wasalam volontairement, comme nous l'a dit le maître des humains alayhi salatu wasalam, celui qui ment à mon sujet volontairement, qu'il se prépare à aller en enfer. Celui qui ment à mon sujet volontairement, qu'il se prépare à aller en enfer. Et il se peut que certains parmi eux mentent afin de satisfaire ceux qui les questionnent et afin de satisfaire les gens. Et ils échangent ainsi la colère d'Allah Azza wa Jal contre la satisfaction des gens. Mais Allah se met donc en colère contre eux et met les gens en colère également contre eux. Et ils perdent donc cette vie et la vie de l'au-delà. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Et ainsi ceci est la grande perte. Allah nous dit, فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِصِدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Quel pire injuste donc, celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vint, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Et Allah nous dit également au sujet des mécréants, des gens du livre, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors que ceci ne vient point d'Allah. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Même si ce verset décrit les gens du livre, sauf que de nos temps sont sortis certains, se croyant parmi les savants, se croyant parmi les prêcheurs et parmi les muftis, et qui mentent sur Allah, et qui mentent sur son prophète, alayhi salatu wasalam, en donnant des fausses réponses aux questions qui leur sont posées, dans le but d'acquérir de haut rang, comme ceux qui dénigrent le port du hijab. Comme ceux qui dénigrent le port d'El Hijab. Cela sont sortis dernièrement sur les chaînes de télévision et ont rabaissé le port du hijab. Et ils disent, Al Hijab est une chose secondaire et non une obligation. Et si elle le porte, c'est bien, mais ceci n'est pas grave. Il n'y aura pas de conséquences si elle ne le porte pas. Et ils mentent ainsi sur Allah et Azza wa Jal. Et ils mentent ainsi sur le prophète, alayhi salatu wa salam. Voici mes chers frères et sœurs, ainsi les deux groupes. Les gouverneurs menteurs et les savants menteurs. S'ils mentent, leur mensonge atteint les horizons parmi les gens. Et ils seront torturés dans leur tombe. Leurs joues seront alors déchiquetées, ainsi que leurs langues, leurs yeux et leurs nez. Quant à la deuxième catégorie, celle qui lorsqu'elle ment, le mensonge atteint les horizons, elle peut arriver à cela, non pas parce qu'elle est haut placée dans la société, mais grâce aux moyens qui lui sont prédisposés, et ce sont les médias. Ce sont les hommes qui sont dans les médias, celles écrites, et lues, et entendues, et vues. L'un d'entre eux ment et ne songe pas à vérifier l'information qui lui est portée. Et cela suffit de mensonges, et cela suffit de mensonges, et le fait de parler de tout ce que l'on entend, quel mauvais moyen. Cela ment et remplissent leurs émissions de quoi? De mensonges. Sur les gens et sur les musulmans, wal'ayadu billah, qu'Allah nous en préserve. À part celui à qui Allah a fait miséricorde. Ils ne vérifient pas et ne prouvent rien et ils acceptent tout ce qu'ils entendent. Et certes Allah nous dit, et ils jurent en disant, nous ne voulions que du bien. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Et Allah atteste qu'ils mentent. Et Allah nous dit également, innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadibun. Et Allah jalla wa ala nous dit, seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve du mensonge et qu'il fasse que l'on soit parmi les véridiques. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, vous connaissez maintenant la première des causes du châtiment de la tombe. Ala wa huwa al-kadhib. Et c'est certes le mensonge volontaire. Craignez donc Allah Azza wa Jal et préservez votre langue contre celui-ci. La personne peut mentir et n'en donner aucune importance. Mais cela le conduira au châtiment de la tombe. Et quel châtiment ? Un châtiment insupportable. Une souffrance éternelle. Il ne sera pas allégé. Il n'y aura pas de pause. Et un châtiment dont les lèvres seront déchiquetées. Un châtiment dont la langue sera déchirée. Un châtiment dont le sang coulera. Et dont la souffrance et le mal grandiront. Et dont les cris et les pleurs continueront. Et il n'y aura pas de miséricorde. Pas de sauveur. L'un d'entre nous, mes chers frères et sœurs, si une dent tombée ou si un bouton poussait, cela le dérangerait et le ferait souffrir. Qu'en est-il alors de pinces de fer? Que penses-tu, mon cher frère, d'un ange mis à ta disposition dans ta tombe, spécialiste dans le châtiment? Qui est-ce qui lui a appris cela? C'est lui qui lui a appris cela, et c'est lui qui fait ce qu'il veut, et c'est lui qui décide ce qu'il a envie, Allah Jalla wa Ala. Et cet ange est spécialisé dans le châtiment, et il ne sera pas miséricordieux, et il ne pardonnera pas, et ne portera pas secours, et n'aidera pas, mais il ne fait que ce qu'on lui a ordonné de faire. Et il est rude et dur, et il ne désobéit jamais à Allah en ce qu'il lui commande, et il fait strictement ce qu'on lui ordonne. Le mensonge, mes chers frères et sœurs, est le fruit amer de la langue, elle lissène. Cette langue, celle qui devait être nouée à chaque parole, cette langue, celle qui cause la plupart du temps la perdition de l'homme, sans qu'il ne s'en rende compte. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Par celui en dehors de qui il ne mérite d'être adoré. Il n'y a pas quelque chose sur terre de plus important à emprisonner que la langue. Que la langue, elle lissène. La chose à emprisonner en priorité dans cette vie est la langue. Un jour, Ibn Mas'ud monta sur le mont Safa et attrapa sa langue et s'adressa à elle et lui dit devant tous les gens, « Ya Lisan, Ya Lisan, ôte-toi la langue, dis le bien, tu gagneras, dis le bien, tu gagneras, et tais-toi sur la mauvaise parole, tu te préserveras, sinon tu le regretteras. Dis le bien, tu gagneras, et tais-toi sur la mauvaise parole, tu te préserveras, sinon tu le regretteras. » Et il dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, la plupart des erreurs de fils de Adam provient de la langue. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans ses sunan et avec une chaîne de transmission authentique. De même, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, lorsque le fils de Adam se lève, tous les membres de son corps se soumettent à lui, tous les membres, la main, le nez, l'oreille, le pied et tous les autres membres s'adressent à la langue tous les jours, s'adressent à la langue tous les jours et lui disent, Ya lisan, ôte-toi la langue, ittaqillaha fina, crains Allah pour nous, crains Allah pour nous, on dépend de toi, si tu es droit, nous le serons, mais si tu es tordu, nous le serons également, si tu es droite, Ya lisan, si tu es droite, ôte-toi la langue, les autres membres seront droits. Si tu es droite, tes actions seront droites et la foi seront complètes. Mais si tu n'es pas droite, si tu es tordu, les autres le seront aussi et ta foi diminuera. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission bonne. Et voilà un hadith selon Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu qui dit, Ya Rasulallah, est-ce que nous serons jugés sur ce que nous disons? Et alors il répondit, alayhi salatu wasalam, et le fait que les gens soient jetés sur leur visage dans le feu, n'est-elle pas la récolte de leur langue? Et si nous avons compris cela, mes chers frères et sœurs, il faut vraiment vérifier l'information, et il faut vraiment vérifier ce que nous entendons, et il ne faut pas que la personne répète tout ce qu'elle a entendu, comme Allah nous le dit, « Ya ayyuhalladina amanu, ô vous qui croyez, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. » Lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Alors, aux jeunes musulmans particulièrement, aux jeunes pratiquants particulièrement, craignez Allah Jalla wa Ala, et ne répétez pas tout ce que vos oreilles entendent. Car beaucoup de gens, de nos jours, ont trébuché, et leur langue a également trébuché. Ils répètent toutes les nouvelles, et ils répètent toutes les informations, surtout à propos des purifiés et des meilleurs de notre communauté. Sur les savants et les prêcheurs de cette communauté, ils parlent sur les savants, et ils parlent sur les prêcheurs, et ils mentent à leur sujet. On fait circuler à propos d'un savant et un prêcheur un mensonge. هذا العلم حزبي وهذا الداعي حزبي. Ce savant appartient à un tel groupe et ce prêcheur appartient à un tel groupe. وهذا المجتهد ضال مضل. Et ce celui qui fait des efforts est égaré et il égare. Et quelle est la preuve de cela? Et qui a dit cela? Il répond non, j'ai juste entendu un tel dire cela et ceci. Ou bien, oui mais cette personne voit cela comme opinion, mensonge et faux témoignage et calomnie. Et l'homme n'a rien dit de tout cela, mais en fait on lui a collé cette parole par pur mensonge. Ces jeunes répètent ce qu'ils entendent, sans vérification et ni confirmation, et ils mentent donc et aident au mensonge jusqu'à ce que leur mensonge atteigne les horizons parmi les gens. Et leur châtiment sera rude dans leur tombe. C'est l'homme qui ment et dont le mensonge atteint les horizons parmi les gens. Et on lui inflige ainsi ce que tu as vu jusqu'au jour du jugement, comme ont montré cela Djibril et Mikaïl au prophète alayhi salatu wassalam. Et que les langues de ceux qui parlent sur les savants véridiques soient arrachées. Et que les langues de ceux qui parlent sur les prêcheurs soient coupées. Jalousie et faux témoignage. Toi, tu parles sur les prêcheurs. Toi, tu parles sur les savants. Et tu diminues de leur valeur alors que tu ne vois même pas une de leurs chaussures. Tu parles sur eux et tu mens à leur sujet. Et Allah nous dit à leur propos. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, c'est-à-dire aux savants, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Et le fait de répandre Des nouvelles mensongères est un comportement des hypocrites. Comme Allah nous le dit, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et quiconque acquiert une faute et un péché, puis en accuse un innocent, seront coupables alors d'une injustice et d'un péché manifeste. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, et qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans son Sahih, Targhib wa Tarhib, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui dit une chose sur un croyant, alors qu'il n'en est pas ainsi, Allah le placera dans Radrat al-Khabal, jusqu'à ce qu'il revienne sur sa parole. Et qu'est-ce que Radrat al-Khabal? C'est la sueur des gens de l'enfer, ainsi que leur pu. Allah le placera ainsi dans cette sueur et dans ce pu, jusqu'à ce qu'il revienne sur sa parole. Naam! والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent ainsi d'une calomnie et d'un péché évident. Voici le mensonge, mes chers frères et sœurs. La première cause des causes du châtiment de la tombe. Vous connaissez maintenant sa dangerosité, mes chers frères et sœurs. Préservez ainsi votre langue de cela. Remettez-vous en question avant de parler et ne négligez rien. Ne prononcez rien sans que vous ne réfléchissiez à ce que vous voulez dire. Sans que vous ne vous remettiez en question. Si la parole que vous voulez dire est vraie, dites-la. Mais si c'est un mensonge, alors ne le dites pas. Il se répandra peut-être et atteindra peut-être les horizons parmi les gens. Et vous serez alors châtié dans vos tombes. Et afin que le profit soit complet, Inch'Allah et Azza wa Jal, les savants ont énoncé trois mensonges licites. Le premier type, le mensonge afin de réconcilier des personnes. Et à la base, la définition d'un mensonge est de rapporter une fausse information sur une chose. Mais si la personne fait cela dans le but de réconcilier les personnes entre elles, alors cela n'est pas un mensonge. Comme dans le but de réconcilier une personne avec son frère, ou bien dans le but de réconcilier une femme avec son mari, ou un fils avec son père, tout ceci n'est pas un mensonge. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Selon Ummu Kulthum, fille de Uqbah, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, n'est pas menteur, celui qui réconcilie les gens entre eux, en inventant un bien ou en disant le bien. N'est pas menteur, celui qui réconcilie les gens entre eux, en inventant un bien ou en disant le bien. Le second type de mensonge autorisé, le mensonge en guerre contre les ennemis d'Allah Azza wa Jal et contre les ennemis de son prophète alayhi salatu wa salam. Et cette guerre, qu'elle soit froide ou chaude, car la guerre est traîtrise. Et le troisième type de mensonge licite est celui entre l'homme et sa femme, dans ce qui amène la tendresse et l'amour. Ou bien en lui promettant de lui acheter quelque chose, mais en ayant l'intention de l'acheter s'il en a la possibilité. Ceci n'est pas grave. Mais si c'est pour annuler des droits ou bien pour trahir, alors ceci n'est pas autorisé. Et ceci avec le consensus de tous les savants. Ainsi voici le mensonge, ainsi que sa description, ainsi que son jugement. Et c'est ainsi la première cause du châtiment de la tombe. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous place parmi les véridiques sincères. Et je lui demande qu'il purifie nos langues du mensonge et nos yeux de la traîtrise et nos cœurs de l'hypocrisie et nos actions de l'ostentation et qu'il nous raffermisse dans la vérité. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique ne peut provenir que d'Allah seul. Et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées. Et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et qu'il accorde sa bénédiction à lui, à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation. Et que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.